La belle vie ça coûte cher, j'ai pas le buffard Rothschild. Non mais j'ai les crocs d'un putain de bulldog, ici les nuages occultes, la plupart des rooftops. On vit la nuit comme si on était des Rouskov. Y'a des larmes qui coulent dans nos gouttières, comme si Dieu voyait enfin le monde qu'on va laisser. Un jour la petite vague devient un tsunami, c'est la vie des épreuves pour nous mettre à l'essai. J'aime pas trop les gens qui font copain copain. On est marqué par l'hiver sous nos capuches. Loin des beaux hôtels à 5 étoiles qui brillent. J'passe la nuit dans un putain de local qui pue. Autour de moi c'est la zizanie dehors. J'entends résonner les corons dans les murs. Je ne vais eux, c'est pas la symphonie du Nord. C'est juste un passant. Mais dehors les passants me guettent. On dirait je passe un test. J'suis pas assez différent. Dehors les passants me guettent. Comme si j'étais quelqu'un. J'suis pas assez différent. J'suis pas assez différent. J'suis pas assez différent. J'suis trop foncé d'une caisse mal garée. Parce que je viens de m'embrouiller avec le daron. À notre âge on sait même pas se parler. Y'a que la souffrance que nous partageons. Faut sourire des accolades qui durent pas. Saleté de monde où faut apprendre à vivre seul. Mon âme sera sûrement pris du retard. Ou peut-être qu'elle s'est perdue dans une gare. Je vais y croire, fais-moi rêver, je suis perdu dans le rêve. Les seuls moments où je me laisse en vivre, c'est libre. Y'a personne en cabine, au mic, c'est moi greffé. Mon corps rejette toute l'angoisse qu'on m'a greffé. Je la laisse sur répondeur parce que j'ai batterie faible. Je suis bloqué à travers ces lignes, je suis bloqué. Genre dehors juste pour éviter de suffoquer. Mais dehors les passants me guettent. On dirait je passe un test. J'suis pas assez différent. J'suis pas assez différent. Dehors les passants me guettent. Comme si j'étais quelqu'un. J'suis pas assez différent. J'suis pas assez différent. Dehors les passants me guettent. On dirait que j'passe un test. J'suis pas assez différent. J'suis pas assez différent. Dehors les passants me guettent. Comme si j'étais quelqu'un. J'suis pas assez différent. J'suis pas assez différent. Et dehors les passants me guettent. On dirait que j'passe un test. J'suis pas assez différent. Dehors les passants me guettent. Comme si j'étais quelqu'un.